force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je vais parler à quelqu'un qui entretient la colère. Ça fait longtemps que tu gardes la colère contre quelqu'un, un membre de ta famille qui t'a fait du tort. La Bible dit, si tu te mets en colère, que le soleil ne se couche pas dans ton irritation. Et la colère, c'est un obstacle à l'exaucement de la prière. Renonce à la colère et prie pour cette personne, pour qu'elle soit transformée. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma sœur. Nous allons prier, nous sommes à OSB, opération sur la brèche. Aujourd'hui, nous allons prier avec le psaume 36. Chaque matin je me lève, je prie avec OSP. Chaque matin moi je prie, je prie avec OSP. Nous allons lire le psaume 36 du premier verset au verset 13. Au chef des chantres du serviteur de l'Éternel de David, la parole impie du méchant est au fond de son cœur. La crainte de Dieu n'est pas devant ses yeux, car il se flatte à ses propres yeux. Pour consommer son iniquité, pour assouvir sa haine. Les paroles de sa bouche sont fausses et trompeuses. Il renonce à agir avec sagesse, à faire le bien. Il médite l'injustice sur sa couche. Il se tient sur une voie qui n'est pas bonne. Il ne repousse pas le mal. Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nues. Ta justice est comme les montagnes de Dieu. Tes jugements sont comme le grand abîme. Éternel, tu soutiens les hommes et les bêtes. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu! À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison, et tu les abreuves au torrent de tes délices, car auprès de toi est la source de la vie. Car ta lumière, par ta lumière, nous voyons la lumière. Étends ta bonté sur ceux qui te connaissent, et ta justice sur ceux dont le cœur est droit. Que le pied de l'orgueil ne m'atteigne pas, et que la main de méchants ne me fasse pas fuir. Déjà tombent ceux qui commettent l'iniquité. Ils sont renversés, et ils ne peuvent se relever. Amen. Nous allons partager trois vérités tirées de ce psaume. Voici la première vérité. Les caractéristiques du méchant. Nous avons des gens que le psalmiste appelle les méchants. Ce sont des personnes qui ne connaissent pas Dieu, des personnes qui sont mal intentionnées, des personnes que l'ennemi utilise. Il donne quelques caractéristiques. Première caractéristique, la parole impie est au fond de son cœur. Il dit au verset 2, la parole impie du méchant est au fond de son cœur. Tout ce que les gens font, tout ce que les gens disent, ça commence du fond du cœur. C'est pourquoi la Bible nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand tu entends quelqu'un prononcer des paroles méchantes, des propos qui sont de nature à détruire les autres, ça commence au fond du cœur. Il dit, deuxième élément, la crainte de Dieu n'est pas devant ses yeux. La Bible du Semeur dit ceci, il est insensé pour lui de respecter le Seigneur. Quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu, c'est quelqu'un qui peut poser des actes ignobles parce qu'il n'a pas la crainte de Dieu. Et parfois, même dans nos églises, quand on voit les comportements des frères et sœurs, on peut se demander si réellement il y a la crainte de Dieu. Comment, par exemple, quelqu'un, tu peux venir à l'église avec l'intention de pouvoir voler les offrandes, par exemple. Où est la crainte de Dieu? Comment quelqu'un peut venir, par exemple, dans un temple, à l'église, pour chercher à avoir un amant au sein de l'église, sortir avec un garçon, sortir avec une fille, ou des sœurs qui viennent dans l'église pour séduire les pasteurs? Où est la crainte de Dieu? Il dit, il se flatte à ses propres yeux pour consommer son iniquité. Au verset 3, la Bible de Semer dit ceci, il se considère d'un œil trop flatteur pour reconnaître sa faute et la détester. Ceci voudrait dire que le méchant s'endurcit dans le péché et refuse de se repentir, c'est ça. Donc, il y a des gens, on lui parle, il écoute même une prédication qui le touche. Au lieu de se repentir, il dit non, le pasteur est contre moi. Je parle à quelqu'un, mon ami, tu es parti à l'église, ces derniers temps, il y a des messages qui te touchent. Au lieu de te repentir, tu dis, c'est ma femme qui est partie révéler au pasteur. Quand le pasteur prêche, ce n'est pas forcément que quelqu'un lui a dit quelque chose. C'est le Saint-Esprit qui connaît ta vie, qui a permis que cette prédication soit prêchée et que ce que tu fais en cachet soit dévoilé. Donc, au lieu de te repentir, toi, tu gardes la rancœur ou tu dis tu vas changer d'église. Tu vas changer d'église en église parce que tu vas chercher une église où on parle seulement de bénédictions, de prospérité, où on veut t'établir comme prophète. Parce que c'est ce que les gens font aujourd'hui. Quelqu'un, tu as commis l'adultère, quelqu'un, tu as volé, quelqu'un, tu as fait un scandale et puis on te met sous discipline, tu refuses la mise sous discipline et tu t'en vas dans une autre église, on te proclame prophète là-bas et tu commences une église. Non, soyons sérieux. Il faut se repentir au lieu d'endurcir le cœur. Il dit encore, il a des paroles fausses et trompeuses. Verset 4. L'Église regorge aujourd'hui de beaucoup de faux prophètes qui prophétisent de mensonges au peuple de Dieu. Ceci nous rappelle le vieux prophète de Samarie qui avait menti au jeune prophète venu de Juda pour le pousser à la désobéissance divine. En conséquence, ce dernier fut séduit par de fausses prophéties et fut tué par un lion. Vous trouvez cette histoire dans 1 Roi 13, 18. Ma sœur, je vais parler à quelqu'un. Il y a un prophète qui a dit, il a vu un esprit de mort dans ta maison. Souvent, de telles prophéties sont là pour t'effrayer, pour que tu donnes une offrande. Est-ce que tu comprends? Il ne faut pas avoir peur de telles prophéties. Hein? Il faut prier le Seigneur. Souvent, il y a des gens qui viennent avec des prophéties mensongères. Pour t'effrayer, pour que il va te dire, bon, je vise telle prophétie, telle vision, pour que il te dise, bon, il faut que tu viennes, que je prie pour toi. Autre chose, il renonce à agir avec sagesse et à faire le bien. Verset 4. Les chrétiens sont exhortés à ne pas se lasser de faire du bien, car ils moissonneront au temps convenable. Selon Galates 6, 9. Donc, je vais parler à un frère. Tu as ce don de la libéralité. Dieu t'utilise pour donner facilement. Mais il peut t'arriver que les gens qui te soutiennent soient ingrats, reconnaissants. Mais ce n'est pas ce qui va te pousser à renoncer à faire du bien. Tu ne dois pas te lasser à faire du bien. Mais les méchants, dès qu'il y a un problème, même quand il a soutenu ou il a donné, il commence à clamer par-ci, par-là. C'est moi qui ai fait ceci. D'ailleurs, vous voyez, le loyer du pasteur, c'est moi qui avais payé ça. D'ailleurs, même la voiture là, je ne comprends pas. Où va l'argent? Je ne peux plus donner. Voyez, parce qu'il est dans de mauvaises dispositions. Il médite l'injustice sur sa couche et ne se tient pas sur une bonne voie. Verset 5. Il ne repousse pas le mal. Verset 5. Quelqu'un qui ne repousse pas le mal, c'est quelqu'un qui embrasse le mal. C'est-à-dire le péché, c'est comme si il chérit le péché. Le chrétien devrait repousser le mal. Deuxième vérité, l'Éternel est bon et juste. Il existe un contraste entre la bonté de Dieu et les caractéristiques du méchant. Vous voyez, ici on dit Dieu est bon et juste. Le Dieu que nous prions, il est bon. Quand nous parlons d'abord de la bonté de Dieu. Ce psaume dit, cette bonté a des dimensions incommensurables, au verset 6. Et puis, cette bonté est précieuse à telle enseigne que nous trouvons refuge auprès de lui et nous nous rassasions de l'abondance de sa maison. Verset 9. Quand tu contemples la bonté de Dieu, tu viens dans la maison de Dieu, tu entres dans un moment de prière, tu te sens réconforté, tu te sens rassasié. Et il dit encore, cette bonté divine se manifeste dans la vie de ceux qui connaissent Dieu. Verset 11. Le verset 11 dit, étends ta bonté sur ceux qui te connaissent et ta justice sur ceux dont le cœur est droit. Concernant la justice de Dieu, il dit, elle est aussi élevée que les montagnes et si profonde que les grands abîmes. Verset 7. C'est pour montrer que Dieu est tellement juste que sa justice agit là où l'injustice des hommes est présente. Il est juste, il ne peut commettre l'injustice. Seuls les hommes droits en sont bénéficiaires. Verset 11. Si tu veux réellement que Dieu te fasse justice, il faut que tu sois droit, que tu marches dans la droiture et tu verras la justice divine en ta faveur. Par la justice divine, Dieu nous protège et fait tomber ceux qui commettent l'iniquité. Ils sont renversés et ne peuvent se relever. Lorsque tu es combattu, surtout combattu injustement, confie-toi à ce Dieu-là. Lorsque sa justice va agir, c'est lui qui va combattre tes ennemis et il va les renverser. Troisième vérité, cherchons refuge auprès de Dieu et nous serons comblés. David cherchait son refuge auprès de Dieu, tel qu'un poussin cherche refuge à l'ombre des ailes de sa mère. Lorsque nous cherchons refuge auprès de Dieu, nous bénéficierons de trois choses ci-après. Premièrement, l'abondance spirituelle et matérielle. C'est ce que nous montre le verset 9. Il se rassasit de l'abondance de ta maison et tu les abreuves au torrent de tes délices. Si tu veux que Dieu te comble de l'abondance, sur les plans spirituel et même matériel, il faut que tu cherches refuge auprès de lui. Et deuxième bénédiction, c'est la vie éternelle, mais aussi la vie en abondance, selon le verset 10. Et troisièmement, il y a la lumière, c'est-à-dire Dieu va t'éclairer. Quand tu cherches refuge auprès de lui, les ténèbres vont fuir, la confusion va fuir. Je vais parler à une dame. Tu es en train de prier pour chercher la volonté de Dieu avant de t'engager dans quelque chose, dans une affaire. Alors, cherche la face de Dieu. Lui, il va t'éclairer. Il va t'éclairer pour que tu ne marches pas dans l'obscurité. Le verset 10 dit ceci. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le louer. Chantons ce cantique. Nous adorons, nous t'exaltons, nous célébrons ta gloire. gloire au Seigneur. Élève ta voix, mon frère. Élève ta voix, ma sœur. Bénis le nom du Seigneur, lui qui se révèle à toi, lui qui est bon, lui qui est juste. Amen. Au microphone, votre serviteur révérend Dieudonné Ngoumbi qui a le réel plaisir de vous savoir très nombreux, vous qui êtes ici en Côte d'Ivoire, en dehors de la Côte d'Ivoire, en Europe, au Canada, aux États-Unis, même dans des pays asiatiques. Nous sommes à l'émission OSB, qui veut dire Opération sur la brèche. Cette émission est produite à partir d'Abidjan et nous vous recommandons vivement de partager OSB avec des amis, avec des frères, avec des parents. Aujourd'hui, nous prions avec le psaume 36, du premier verset au verset 13. Voici quelques sujets des prières que nous vous proposons. Nous allons prier pour tous les méchants qui sont dans nos familles et même dans nos églises, c'est-à-dire les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, les gens qui posent des actes ignobles. Nous allons prier pour eux, pour qu'ils abandonnent leur méchanceté, pour qu'ils se tournent à Christ. Tu vas prier pour eux, au nom de Jésus-Christ. Sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Éternel Dieu, nous te bénissons, nous te glorifions, nous te magnifions. Nous te disons une fois de plus merci Père. Merci pour ta bienveillance et ta bonté. Nous nous sommes couchés hier, nous nous sommes endormis et nous nous sommes réveillés ce matin. Ce n'est que par ta grâce. Nous ne cesserons jamais d'exprimer notre reconnaissance pour ta bonté. Nous prions ce matin, ô Père éternel, pour les méchants, pour tous ceux qui n'ont pas la crainte de l'Éternel, pour tous ceux qui s'adonnent aux œuvres iniques, qui persécutent, qui exercent les œuvres des puissances des ténèbres. Nous demandons au Père éternel que tu te manifestes dans leur vie afin qu'ils puissent se détourner de leur mauvaise voie. Nous prions et nous intercédons. Interviens en leur faveur, ô Père éternel, que toute forme de colère, toute forme d'amertume, toute forme d'aigreur, toute forme d'aveuglement spirituel soit ôtée de leur vie afin qu'ils puissent percevoir la bonté et la grâce de l'Éternel. Nous déclarons dans le nom de Jésus-Christ que tout voile de méchanceté, toute couverture d'iniquité est déchirée, est arrachée dans le nom puissant de Jésus. Nous disons merci Père parce que tu écoutes les prières de tes fils et de tes filles. Interviens dans leur vie afin qu'ils se détournent de leur mauvaise voie et qu'ils se tournent vers toi. Parce que lorsqu'on tourne vers toi les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Nous te disons merci Père éternel, nous invoquons ton nom pour te rendre grâce, pour l'élever au-dessus de tous les autres noms. C'est au nom de ton fils Jésus-Christ que nous avons prié avec action de grâce. Amen. Amen. Nous allons demander à Dieu d'exercer sa justice en notre faveur. et qu'il renverse les desseins de nos ennemis. Peut-être que toi, tu es quelque part où tu travailles, il y a des gens qui envient tellement ton poste qu'ils font des manœuvres, ils font des complots, mais tu vas prier pour que le Dieu de justice agisse en ta faveur et que tout ce qu'ils font comme complot contre ta vie, contre ton travail, contre ton poste, soit voué à l'échec au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Nous bénissons ton nom, notre Dieu et notre Père, parce que chaque jour, tu renouvelles tes bontés à notre égard. Tu nous mets en confiance. Tu nous permets de t'aimer et de t'aimer. Et tu prends plaisir à nous bénir et à nous conserver cette bénédiction. Chaque jour, Seigneur notre Dieu, tu nous accordes le nécessaire. Chaque jour, tu nous conduis au bon endroit. Et voilà que ta bénédiction nous a amenés à être là où nous sommes. Ta bénédiction nous a amenés à avoir cette grâce, cette position. Ce travail, cette voiture, cette maison, cela est venu par pure grâce, cela est venu à cause de ce que ta parole dit, qu'un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Voilà que tu nous as donné toutes ces grâces et les hommes et les femmes s'élèvent injustement contre cette position. Notre poste s'élève contre cette bénédiction, s'élève contre notre mariage, notre enfant, notre avenir. C'est pour cela, Père, au nom de Jésus-Christ, nous déclarons que toutes ces bénédictions que tu nous as données demeurent. Toutes ces bénédictions sont éternelles. Parce que quand tu agis, tu le fais pour toujours. En ton nom donc, nous renversons toutes les langues pernicieuses qui convoitent nos postes, qui convoitent nos bénédictions. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous détruisons toutes les stratégies pour nous retirer ces bénédictions que tu nous donnes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, avec toi Seigneur, nous réduisons au silence toutes les œuvres de l'ennemi qui essaient de vouloir détruire, s'accaparer et de nuire ce que tu nous as donné. Ce matin, nous proclamons que nos bénédictions demeurent, que tu nous maintiens dans ta grâce, dans ta bonté, que les méchants périssent et les gens malversants sont renversés, leur pouvoir est détruit. Merci Seigneur, parce que tu es Dieu et nous scellons toutes les bénédictions que tu nous as données dans le sang et nous déclarons des témoignages à venir au nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons prier pour nous approcher sincèrement de Dieu, pour qu'il nous comble d'abondance et qu'il nous éclaire dans notre marche. Nous venons de voir que quand nous approchons de Dieu, il va nous combler d'abondance. L'abondance spirituelle, l'abondance matérielle, l'abondance financière. Et il va nous éclairer. Tu vas prier pour dire, Seigneur, comble-moi de ton abondance et éclaire-moi dans tout ce que je fais, dans mes décisions. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Grand Dieu, nous te bénissons, nous proclamons tes louanges. Nous venons devant toi, ô Père éternel, pour élever ton saint nom. Éclaire-nous, ô Père éternel, comble-nous d'abondance. Lorsqu'on vient à toi, tu ne dédaignes pas, tu ne repousses pas tes enfants. Nous venons à toi, ô Père éternel, et nous te demandons de nous combler d'abondance. Nous te demandons de nous donner des conseils, de nous guider, de nous instruire et de nous donner le discernement dans les décisions que nous allons prendre. Nous disons merci, Père éternel, parce que nous savons que tu n'abandonnes pas tes enfants. Nous disons merci, Père éternel, parce que tu nous combles d'abondance. Merci, Père éternel, pour tes conseils. Merci, Père éternel, pour ta guidance. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ et nous déclarons que tout obstacle à la manifestation de la bonté de l'Éternel dans nos vies est ôté. Nous déclarons que les projets iniques sont voués à l'échec dans le nom puissant de Jésus-Christ. Accorde à tes fils et à tes filles du discernement. Accorde à tes fils et tes filles de la bonté afin qu'ils puissent exceller dans tout ce qu'ils entreprennent. Merci Père, merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tes directives, merci pour tes conseils. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié et que ton nom soit élevé au-dessus de tous les autres noms. Quelle joie d'être appelé enfant de Dieu. Quelle joie d'invoquer ton nom chaque matin. C'est au nom de ton fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.